Terre appelle fusée lunaire. Explorer de nouveaux mondes étranges. Fusée lunaire, répondez, répondez. Découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Sur France Inter, comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers? Le temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac. Alors nous sommes allés voir. Daniel Fievé. 50 ans après les premiers pas d'Armstrong sur la Lune, l'astre de la nuit semble être redevenu inaccessible. Entre les effets d'annonce et les reports, on ne sait plus trop à quelle échéance un retour sur la Lune est vraiment envisageable. Pourquoi est-ce si difficile de refaire ce qui a été réalisé en 1969? Et si on finissait par retourner sur la Lune, ce serait pour y faire quoi? Des projets de bases lunaires et de stations orbitales sont à l'étude. Certains envisagent de se servir de notre satellite naturel comme point de départ pour un voyage autrement plus ambitieux, vers Mars. Cet après-midi, nous nous intéressons à ces hypothétiques futures missions d'exploration de la Lune. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Je ne sais si nous reverrons jamais le globe terrestre. Daniel Fievé. Nous sommes transportés dans l'espace. Le temps d'un bivouac. Observe. Bonjour et bienvenue, c'est le retour dans notre bivouac cosmique de l'astronaute Jean-François Clairvoy et du rédacteur en chef de Ciel et Espace, Philippe Hénarejos. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Philippe Hénarejos, vous êtes l'auteur de « Ils ont marché sur la Lune », le récit des explorations Apollo chez Belin. Et Jean-François Clairvoy, vous publiez avec Franck Lehaut « Histoire de la conquête spatiale » aux éditions Debeuc. Nous avons évoqué avec vous la semaine dernière le passé de l'exploration lunaire. L'émission est toujours disponible en podcast. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'avenir de l'exploration de la Lune. Vous allez nous dire quels sont les projets les plus crédibles et pourquoi est-ce si difficile de retourner sur notre satellite naturel. À 17h, le chef cuisinier Thierry Marx nous emmènera pour un savoureux voyage au Japon. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued. Nous aimerions partager cette pierre avec tous les pays du monde. Nous espérons qu'elle restera le symbole de nos intentions. Des intentions du programme Apollo. Et un symbole pour l'humanité. Pour un avenir en paix et dans l'harmonie. 3, 2, 1, ignition. Nous nous étions quittés la semaine dernière sur cette déclaration de Gene Cernan, astronaute de la mission Apollo 17, qui en décembre 1972 est le dernier homme à ce jour à avoir foulé le sol lunaire. C'est le dernier vol habité sur la Lune. Pendant les années qui ont suivi, Philippe Hénarejos, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue du vol spatial habité? Alors déjà, il faut savoir qu'en avril 1972, alors que la mission Apollo 16 est sur la Lune, alors que les astronautes sont en train de marcher sur la Lune, on leur annonce à la radio qu'un nouveau programme spatial va débuter, celui de la navette spatiale. John Young et Charlie Duke, qui sont en train de marcher sur la Lune, sont des pilotes, ils sont très contents, ils pensent que ça va être un meilleur accès à l'espace, qu'on va rendre ça enfin facile, parce que quand même, depuis les premiers vols spatiaux et jusqu'à leur arrivée sur la Lune, ce n'était quand même pas facile d'aller dans l'espace, c'était quand même assez spartiate. Et avec l'arrêt du programme Apollo, alors il y a des scories de ce programme Apollo. Ça va être une fusée Saturne V qu'on reconfigure, dont le dernier étage est changé en station spatiale et qui va devenir Skylab, la première station spatiale américaine qui était avec un gros volume à l'intérieur. Il y aura 3 missions. Et puis ça se termine en 1975 par la mission Apollo Soyuz, où un vaisseau russe et un vaisseau américain vont se rejoindre dans l'espace pour marquer la fin des hostilités, si on peut dire, la fin de la course à l'espace et le début d'une nouvelle ère où on va rester autour de la Terre, cette fois avec des stations spatiales. Et les Américains, il y aura un petit hiatus, il y aura un moment où ils n'auront pas de vaisseau entre Apollo et le développement de la navette, où ils n'auront pas accès à l'espace. Et ensuite, avec la navette, ça va prendre une autre dimension. Mais Jean-François Clairvoy connaît ça mieux que moi, puisqu'il a volé 3 fois à bord de la navette. Il va pouvoir nous dire comment le confort est arrivé. Jean-François Clairvoy, de cette génération d'astronautes qui a tourné en rond autour de la Terre sans plus jamais reprendre le chemin de la Lune, ça doit être une frustration pour votre génération, honnêtement. Oui, alors, bon, la navette spatiale est un très très bel engin, donc j'ai eu la chance, mais c'est vrai que j'ai été entraîné et j'ai côtoyé des astronautes d'Apollo. John Young, commandant d'Apollo 16, qui a été deux fois vers la Lune, dont une fois sur la Lune, qui a été premier pilote de la navette spatiale, commandant de bord du premier vol, était mon instructeur. Donc quand je volais en T-38 avec lui pour aller vers différents centres de la NASA depuis Houston, il me parlait de ses missions et donc bien sûr j'étais jaloux, je l'enviais et je l'admirais et je me disais ah, c'est dommage que la navette ne puisse que rester en orbite basse. La navette peut pas aller plus loin que l'orbite basse. Elle peut aller, la plus haute altitude c'est Hubble, le télescope Hubble, 600 km, la plus haute altitude des vols habités en orbite. D'ailleurs, une de vos missions c'était d'aller réparer ce télescope Hubble avec la navette. Avec la navette. Donc moi, je le vois comme un privilège d'avoir traversé une partie de ma carrière d'astronaute aux côtés d'astronautes des missions Skylab et Apollo. Donc, je l'ai vécu un petit peu par procuration à travers eux, en ayant toujours espéré qu'un jour on y retourne, mais je ne pouvais pas dire quand. Oui, ben l'histoire n'est pas terminée. Aujourd'hui, la Lune attise de nouveau les convoitises, semble-t-il. En tout cas, Donald Trump semble particulièrement impatient d'y retourner. La directive que je signe aujourd'hui va recentrer le programme spatial américain sur l'exploration habitée de l'espace. C'est un pas important d'envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972 pour une exploration à long terme. Cette fois, il ne s'agira pas seulement de planter notre drapeau et de laisser notre empreinte. Nous établirons une base pour une mission ultérieure vers Mars et peut-être un jour vers d'autres mondes au-delà. Le président américain Donald Trump, en décembre 2017, et apparemment il n'a pas changé d'avis depuis, au contraire, il est de plus en plus impatient d'y retourner, hein, Philippe Hénarejos. Oui, c'est bien, au moins sur ce chapitre-là, il est constant. Oui. Effectivement, il a remis ça au bout du jour, il a remis en marche un comité National Space Council qui existait, qui avait été, je crois, supprimé par Clinton, où des industriels et des administrateurs de l'Agence spatiale américaine se réunissaient pour définir les grands objectifs, avec là, cette fois, un objectif de retourner sur la Lune rapidement, mais surtout, à travers ça, de reprendre le leadership sur ce que lui et son vice-président Mike Pence appellent, c'est vraiment ces mots qu'ils emploient, « nos ennemis ». Dans l'espace, il parle indirectement des Chinois, et donc c'est de nouveau une espèce de course politique et géopolitique. Sauf que, Jean-François Clairvoy, les Américains, c'est un peu un pas en avant, deux pas en arrière, au gré des changements de président de la République. Un coup, ils veulent y aller, un coup, c'était le cas d'Obama, on arrête tout. C'est difficile de... Même revenons même avant, parce qu'on parle du regain actuel, mais en fait, en 2000, le plus grand et le plus ambitieux des programmes lunaires a été décidé par le président Bush fils, en 2000, le programme Constellation, c'était une base habitée permanente près du pôle sud, avec toute infrastructure pour y aller, pour ravitailler. Et donc ça a occupé tous les ingénieurs, la NASA et l'Europe aussi indirectement dans les années 2000. Le président Obama arrive et il dit « La Lune, on y est déjà allé, étudions maintenant une mission vers un astéroïde. » Tout s'arrête pour la Lune. Le président Trump arrive, hop, on retourne sur la Lune parce que les Chinois viennent de l'annoncer. Je pense que si les Chinois n'avaient pas annoncé leur intention de mettre un taïkonaute sur la surface de la Lune autour de 2030, on n'aurait pas eu le discours des Américains disant non, non, on y sera avant eux en 2028. Et puis maintenant en 2024, il semble. C'est vrai que pendant ce temps-là, la Chine avance et marque des points. Objectif Lune, plus exactement, face cachée de la Lune. La Chine a donc réussi ce matin, ce qui est une première dans l'histoire de l'exploration spatiale. Elle a réussi à poser une sonde près du pôle sud de la Lune, dans un cratère repéré à l'avance, bien évidemment. La face cachée de la Lune n'étant pas une Terre inconnue, elle avait été très souvent observée par satellite. Mais justement, que cherchent les Chinois sur cette face cachée? Y a-t-il encore des choses à connaître sur notre bonne vieille Lune? Nous étions le 3 janvier dernier, hein, en 2019, mission Chang'e 4 par les Chinois. C'est un véritable exploit, Philippe Hénarejos ? C'est un bel exploit parce que les Chinois ont fait l'effort de faire ce que ni les Russes ni les Américains n'ont fait à l'époque, c'est-à-dire envoyer un satellite au-delà de la Lune pour communiquer avec la face cachée. C'est pour ça que ni les Russes ni les Américains n'ont déposé d'engin sur la face cachée et que les Américains ne sont pas allés faire leur dernière mission Apollo 17 sur la face cachée comme le voulait Harrison Schmitt, le dernier astronaute à débarquer sur la Lune en décembre 72. Et en plus, les Chinois font preuve avec cette mission automatique d'un très beau savoir-faire. Le vaisseau s'est posé, il a piloté tout seul, il a pris ses photos, l'ordinateur a enregistré, il a vu s'il y avait des cailloux, des obstacles, il s'est déplacé, il a fait exactement ce que Neil Armstrong a fait quand il s'est posé et qu'il a survolé le cratère rempli de cailloux pour aller se poser un peu plus loin. Ouais. Tout ça en automatique, et ça marche très bien, il y a un petit rover qui est descendu. C'est pour l'instant des missions technologiques, la science est présente, mais pas de manière très appuyée encore, mais ils apprennent beaucoup et très vite. On a l'impression que les Chinois fonctionnent de façon plus méthodique que les Américains, avec ces coups de menton, ces effets d'annonce, ces reculades. Eux, ils vont plus progressivement. Ils annoncent un délai peut-être plus réaliste, hein, de 2030 pour poser un taïkonaute, donc un astronaute chinois sur la Lune. Leur programme vous semble plus sérieux, Philippe Edouard? Oui, alors il est plus suivi, c'est clair. Il y a la volonté politique, il y a l'argent qui est là, il y a l'implication. Je suis journaliste et j'ai beaucoup de mal, pour être franc, à avoir des informations de première main de la Chine, parce que c'est un domaine qui est stratégique, qui est très militaire, donc en gros, ils ne parlent pas. J'ai quand même eu la chance de discuter avec l'ex-directeur des programmes scientifiques spatiaux chinois, qui m'a dit une chose: nous, on ne fait pas la course, on va aller sur la Lune, on va le faire, à notre rythme, il y aura peut-être des échecs, il y aura des choses qui marcheront pas, on prendra le temps d'analyser, mais on va y aller. Et ça, c'est une espèce de force tranquille qui, je pense, a pu énerver le président américain, par exemple. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile de refaire ce que l'on a été capable de faire il y a 50 ans ? Mais en fait, c'est pas... Alors, faut bien s'entendre. C'est pas difficile sur le plan technique. C'est juste difficile de prendre les décisions politiques et les budgets et les organisations qui vont avec. C'est-à-dire, si on avait le budget de la NASA de l'époque des années 60... on saurait retourner sur la Lune dans la dizaine d'années qui viennent. Mais aujourd'hui, on accepte moins le risque élevé de l'époque Apollo. Donc c'est la première contrainte qu'on s'impose à nous-mêmes. Les vols habités aujourd'hui sont des vols pour lesquels on veut absolument avoir pris toutes les précautions, prendre tous les essais, quitte à ce que ça prenne du temps. Donc on sait ce qu'il faut faire pour être prêt à retourner sur la Lune. On sait ce qu'il faut faire d'ailleurs même pour aller vers Mars un jour, mais on n'est pas du tout prêt aujourd'hui. Techniquement, les ingénieurs savent faire. La fusée est presque prête. D'ailleurs, le vaisseau Orion est presque prêt. L'atterrisseur, il démarre tout juste parce que les Américains viennent d'annoncer qu'ils veulent très vite aller à la surface. Mais la difficulté, c'est pour les politiques de décider et d'avoir la force d'engager le programme. Alors, quand retournerons-nous sur la Lune? Quels sont les projets les plus avancés et les plus crédibles? On en discute avec l'astronaute Jean-François Clairvoy et le journaliste Philippe Hénarejos, le temps d'un bivouac cosmique sur France Inter. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. Any 16 strings were strumming. Get it off my mind. Keep it The Raconteurs, c'était Help Me Stranger sur France Inter. C'est l'idée que l'agence spatiale européenne se fait d'une base sur la Lune, des igloos qui communiquent entre eux où pourraient vivre une dizaine de personnes. Un projet baptisé Moon Village et qui d'ici 10 ans pourrait remplacer la vieillissante station spatiale internationale. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une volonté mondiale de travailler ensemble. Rappelez-vous, lorsqu'on a été sur la Lune la première fois, c'était pour mettre un drapeau national sur la Lune. Aujourd'hui, il y a une volonté de mettre un drapeau mondial, sur le drapeau de Terre sur la Lune. Et parmi les projets innovants qui participent à cette réflexion sur le Moon Village, ce prototype d'habitat spatial qui, depuis 2 ans, est testé par les étudiants de l'Université internationale de l'espace de Strasbourg. Un module de 20 mètres carrés entièrement autonome pour 2 personnes qui pourraient accompagner dans quelques années les premiers colons sur la Lune. Extrait d'un reportage diffusé sur CNews en 2017, on y entendait Michel Tonini, votre collègue astronaute Jean-François Clairvoy. Ce projet de base lunaire, c'est un projet international, il se ferait un peu dans le même esprit que la Station Spatiale Internationale ? Alors il faut distinguer deux choses. Le projet concret décidé aujourd'hui, qu'on appelle le portail, le gateway, c'est une station spatiale en orbite autour de la Lune, sur une orbite très particulière, parce que c'est accessible dans la dizaine d'années qui vient. On est capable, dans 5 ans, de commencer à lancer le premier module. On est en orbite lunaire. Ouais. Le Moon Village, ce n'est pas un projet, c'est un concept. C'est une idée du directeur général de l'ESA au départ. Sur donc lequel... l'agence spatiale européenne, l'agence... donc voilà. C'est une idée des Européens. Hein. C'est une idée des Européens qui essaient de sensibiliser les autres puissances spatiales à un concept où on travaille ensemble, on assemble à la surface de la Lune différents services logistiques, techniques, de navigation, de ravitaillement, de science. Et donc, il n'y a pas de budget mis sur ce concept de Moon Village. Mais c'est l'idée ultime d'une infrastructure où tout le monde travaille ensemble. Mais le projet concret décidé aujourd'hui, financé, dans lequel les Russes ont déjà signé des partenariats avec les Américains, les Européens aussi auront leur partie, c'est le portail qui est une station spatiale internationale en orbite autour de la Lune. En orbite autour de la Lune, voilà. Alors qui serait de plus petite taille que la station spatiale internationale. Elle serait, à quoi elle ressemblerait en fait, cette station qui tournerait autour de la Lune? Cette station serait plus petite que l'ISS. Elle ne serait habitée au départ, l'idée aujourd'hui, habite qu'un mois par an. Ah oui. Parce que chaque mission vers la Lune, ce sera tout de suite plus d'un milliard, une mission vers la Lune. Donc, c'est commencer à apprendre à répéter autour de la Lune, sur la Lune, ce qu'on fera un jour autour de Mars et sur Mars. Et en fait, elle rentre quelque part dans cette idée globale du Moon Village. Le Moon Village inclut des infrastructures en orbite à partir desquelles on fait les allers-retours. Et donc, cette station spatiale international autour de la Lune, qu'on appelle le portail, c'est un petit bout du Moon Village, quelque part. Ouais. Alors, Philippe Hénarejos, essayez de nous faire visualiser tout ça. Concrètement, ça se passerait comment? Une fois qu'on a une station spatiale qui tourne autour de la Lune, on a ce village lunaire, cette base lunaire sur la Lune, combien de personnes sont à bord de la station qui tourne autour de la Lune? Combien de personnes dans la base? Qui y va? Alors, c'est encore flou, mais le vaisseau qui va acheminer les astronautes vers la Lune, ce sera a priori le vaisseau qu'on appelle Orion, qui est une capsule Apollo plus grosse, plus spacieuse, plus moderne. Il y aurait 4 personnes à bord, donc chaque lancement, il y a 4 astronautes qui iraient. Dans la station spatiale, pour l'instant, je ne sais pas. Je vous le dis franchement, et je ne crois pas que ça a été défini. Et ensuite, au sol, ben ça dépendra des budgets de chacun et de ce qui est décidé politiquement, parce que pour l'instant, ça reste un concept. La seule chose qui voit le jour, effectivement, c'est le fait que les Américains veulent retourner à la surface, et on voit qu'il y a au moins deux projets de modules lunaires pour se poser de nouveau. Mm-hmm. Mais on est encore un peu dans une architecture Apollo. On n'est pas à déposer des habitats sur la Lune. Oui. On est juste à refaire du Apollo, finalement. Ouais. Certains chercheurs imaginent des moyens de construire une base en utilisant le sol lunaire. Notre idée, c'est d'utiliser ce matériau pour bâtir en impression 3D une structure habitable ou un élément. Et on pense qu'on peut le faire. Un rover se poserait sur la surface de la Lune, libérerait un dôme gonflable, un peu comme un ballon, et ensuite les rovers commenceraient à construire un deuxième dôme de protection tout autour du premier où s'installeraient les astronautes. Donc on dépose une couche de poussière, on agglomère, on met une autre couche de poussière, on agglomère, et on procède comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini de bâtir tout type de structure. C'est Aidan Colley, chercheur irlandais à l'Agence spatiale européenne, l'ESA, interviewé sur Euronews. Alors c'est un peu le concours Lépine, est-ce qu'il faut voir ça sérieusement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des chercheurs qui à temps plein sont en train de réfléchir à la façon de construire cette base, ou est-ce que ce sont vraiment des travaux encore très hypothétiques, Philippe Hénarejos? Non, il y a des réflexions qui sont allées très loin et qui sont très intéressantes, parce que il faut voir que installer des gens sur la Lune, comme par exemple on ferait une base en Antarctique, finalement c'est à ça, oui, que ça ressemble, c'est pas aussi simple que d'envoyer des gens dans une station spatiale en orbite autour de la Terre. Sur la Lune, on est beaucoup moins protégé, on est en dehors des ceintures de du champ magnétique terrestre qui nous protège quand même de pas mal de rayonnements hostiles venant du Soleil et de l'ensemble de la Voie lactée. Donc, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Et c'est pas simplement déposer des bidons ou des dômes, il faut se protéger. Et cette histoire d'utiliser le régolithe, la poussière lunaire, pour faire des briques, en quelque sorte, c'est intéressant, parce que si vous avez une épaisseur suffisante sur les dômes métalliques ou gonflables que vous pouvez amener là, vous vous protégez de ces rayonnements. Et si on va sur la Lune, on va pas y aller pour 3 jours. On l'a déjà fait. On a déjà bivouaqué sur la Lune pendant 3 jours. Donc, si c'est pour des durées plus longues, il faut vraiment se protéger. S'il y a une tempête solaire, par exemple, il faut pas que les astronautes soient irradiés, tout simplement. Alors, il y a d'autres possibilités. Il y a plein d'études qui... On a découvert sur la Lune, depuis qu'on l'explore, notamment avec la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, qui fait une cartographie à 30 cm près de la Lune. C'est presque aussi bien que sur la Terre. Qui voit les modules lunaires. Qui voit les traces de pas des astronautes d'Apollo. Eh bien, on a trouvé, dans certaines régions volcaniques de la Lune, des trous qui sont sans doute des entrées de cavernes lunaires. Alors, c'est pas des cavernes comme on a sur Terre avec des stalactites, etc. Ce sont d'anciens tubes de lave, puisqu'il y a de la lave qui a coulé sur la Lune. Parce qu'il y a eu une activité volcanique sur ce satellite. Il y a eu une activité volcanique, pas au sens qu'on entend chez nous. C'est pas le beau volcan style Mont Fuji avec des éruptions, etc. Il y a eu des volcans, mais c'est un volcanisme assez plat, assez visqueux de les mers lunaires. Tout ce que vous voyez à l'œil nu qui est sombre sur la Lune, ce sont des étendues de basalte, c'est-à-dire de lave solidifiée. Et bien, plusieurs milliards d'années en arrière. Voilà, environ 3,8 milliards d'années pour ces mers-là. Eh bien, dans ces mers, on a trouvé des endroits où il y a des tubes de lave avec des trous. La paroi s'est effondrée, le plafond s'est effondré, et là-dedans, on a sans doute des cavernes où on peut aller se protéger. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc, on en est à imaginer des scénarios avec des astronautes des cavernes sur la Lune, en quelque sorte. Ben oui, il faut bien commencer. Comme dans Tintin. C'est vrai, dans Tintin, il y a une grotte. Tintin, il explore des cavernes souterraines sous lunaires, je dirais. Et le scoop dans Tintin, c'est qu'il trouve de la glace. Il trouve de la glace, oui. Il y a de l'eau actuellement sur la Lune, Jean-François Clairvaux. On sait qu'il y a de l'eau, oui. Mais en quelle quantité? Ah, ça, je ne sais pas. Il y a eu des détections qui sont quand même indirectes. Cette eau, si elle est en quantité importante, c'est surtout au pôle. Dans des endroits où il y a des cratères qui sont perpétuellement à l'ombre. Et donc, c'est sous forme de glace qui est mélangée au régolithe. Et ça serait peut-être accessible si on se pose à ces endroits-là. Après, il y a de l'eau en beaucoup plus infime quantité un peu partout sur la Lune, mais c'est une eau un peu spéciale qui est formée avec le vent solaire qui est assez épisodique. C'est beaucoup plus difficile à exploiter. Alors, il faut quand même dire, Donald Trump s'y voit déjà en 2024, en tout cas ce projet de station spatiale qui tournerait autour de la Lune. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que les budgets sont à la hauteur de ces ambitions? Ou est-ce qu'on est dans du Donald Trump, dans du « Make America Great Again » et puis voilà, il se fait plaisir? Alors, avec les Américains, tout est possible. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Il s'est passé quelque chose, c'est que tout s'est déclenché au mois de mars. L'administrateur de la NASA était devant le Sénat où il répondait à des commissions d'enquête comme il y en a assez souvent. Il commençait à dire que la SLS, Space Launch System, qui est la grosse fusée, l'équivalent de la Saturne V qui doit lancer la capsule Orion vers la Lune, aurait du retard et que son premier lancement, sans équipage, prévu en juin 2020 initialement, n'interviendrait pas avant novembre 2021. Il y a du retard dans le développement. Et immédiatement après, Mike Pence, qui est le vice-président, donc un peu le porte-parole de Trump, a dit « Non, ça sera vraiment 2020 ». Et là, on a compris que Trump voulait que cette fusée soit lancée, c'est une grosse fusée, c'est un événement, soit lancée avant les élections présidentielles. Ça annonçait déjà qu'il voulait se représenter. Alors ensuite, il faut du budget, effectivement. Et là, la Maison-Blanche a fait, il y a quelques semaines, une proposition d'extension de budget de 2020 de la NASA, une rallonge de 1,6 milliard de dollars. Mais ce n'est qu'une proposition. Elle va devoir être étudiée par le Congrès américain. Ce sera à peu près en octobre. Voir si ça va être tout accepté, renié en partie ou carrément repoussé. Et ça, ça ne vaut que pour 2020. On ne parle pas de 2021, 22, 23, 24. Or, il va falloir que ça monte en puissance si les États-Unis veulent réaliser ou acheter leur module lunaire, former les astronautes, faire que cette fusée fonctionne, que tous les tests soient réalisés. Donc c'est possible, mais pour l'instant, il y a un gros point d'interrogation. Wait and see, je dirais, parce que ça va être avec le Congrès que ça va se jouer, et avec la volonté politique et peut-être aussi avec la réélection américaine au passage. Jean-François Clairvoy, quel rôle va jouer l'Europe et la France dans cette course à la Lune ? Est-ce qu'on va en jouer un ? L'Europe, avec ses pays traditionnels, l'Agence spatiale européenne et les pays traditionnels qui participent aux vols habités, dont les principaux acteurs sont Allemagne, France, Italie, Belgique, Suisse, enfin, il y a une dizaine de pays européens qui contribuent. On restera toujours suiveur, mais accroché à haut niveau, avec nos alliés américains du spatial. Donc c'est vrai, quand il y a les hauts et les bas, on les suit. Et Le Gateway, la Station Spatiale Internationale autour de la Lune, le portail comme on l'appelle, elle va probablement évoluer avec la réorientation des efforts de la NASA sous direction de l'administration américaine pour mettre la priorité sur l'atterrisseur et vite poser des humains sur la Lune. Ma meilleure prédiction honnête, c'est que le retour sur la Lune n'aura pas lieu avant la fin du deuxième mandat du président Trump, s'il est réélu. Donc, on va d'abord assurer une station en orbite de la Lune, et probablement avant 2030, on aura été capable, en équipage international, d'avoir posé des humains à nouveau sur la Lune. Les Chinois le feront de leur côté, moi j'espère qu'on le fera ensemble, mais je ne vois pas l'intérêt de tout mettre juste dans une mission ponctuelle d'une femme, parce que c'est une femme en plus, 2024 sur la Lune, en rognant et en perturbant la démarche qui est lancée depuis 2 ans, 3 ans, d'ensemble faire une nouvelle station spatiale internationale autour de la Lune. Donc ça voulait dire quoi le en plus ? C'est une femme en plus ? Non, c'est assez dingue comme annonce. au moment où l'administration américaine a annoncé, oui, on avait annoncé l'année dernière 2028, mais c'est trop tard. Ce sera 2024 et ce sera une femme. Je sais pas pourquoi. Il y aura des femmes. Il y a des femmes et des hommes astronautes. Hein, c'est vrai que si on veut faire une première, une femme, au moins on fait une première si on envoie une femme sur la Lune. En tout cas, la Lune est vue par beaucoup comme un point de départ pour Mars. C'est ce que nous allons voir dans la suite de notre discussion. Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami. Quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient. Des chansons que je sais, que je traduis pour toi. Les voici, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Et le soleil attend, papa dit qu'il a vu sa lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Il dit pas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il l'a fait sa lui. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous, le bonheur est un astre volage. Il s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous, il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui, le soleil, rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu sa lui. Papa dit qu'il l'a vu sa lui. C'était Charles Trenet, bien sûr, le soleil et la lune. Les hommes se demandent comment vous savez où on est, puisque depuis des jours, on a perdu la terre de vue. Le temps d'un bivouac. Vous avez des boussoles, vous avez des cartes? Mais pourquoi foutre, t'es pas bien, là? Sur France Inter. Bon, j'aimerais parler au responsable. Daniel Fievé. 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, où en sont les projets de retour sur notre satellite naturel? On s'interroge avec le journaliste Philippe Hénarejos, auteur de « Ils ont marché sur la Lune » aux éditions Belin, et l'astronaute Jean-François Clairvoy qui signe « Histoire de la conquête spatiale » aux éditions Debuc. Et que trouverait-on sur la Lune si on y retournait? La fiction ne manque pas d'imagination à ce sujet. C'est ce que nous allons voir avec Jérémy Querené pour sa chronique en partenariat avec le CNES. Non, ça va pas du tout, coupez! Arrête ton cinéma. Ok, et si on s'attaque à leur base, les gars? On fonce droit sur la Lune et on leur en met plein la gueule. Trop proche, trop accessible sûrement, la Lune, disons-le, n'est pas la grande star de notre système solaire. Mars, bien entendu, la détrône et lui est souvent préférée dans les films, les jeux vidéo ou les romans. Pire encore, aucune fiction qui s'y déroule ne donne vraiment envie d'aller passer ses vacances au bord de la mer de la tranquillité. Et je ne dis pas ça seulement à cause des conditions météo plutôt capricieuses, pas non plus à cause des paysages en niveau de gris, pas à cause de la poussière qui s'incruste partout. Non, je dis ça parce qu'on y croise vraiment tout et n'importe quoi. Nous avons reçu confirmation que le vaisseau s'était posé sur la Lune sans rencontrer aucun problème. L'instant d'après, la communication s'est interrompue, comme si le vaisseau avait disparu. Ou alors vous nous cachez ce qui se passe vraiment. Oui, bien sûr, nous cachons tout plein de choses sur la face cachée de la Lune. Déjà, sur la Lune, on peut croiser, c'est bien connu, des sélénites, du nom des habitants de notre satellite. Mais attention, hein, quand on parle d'extraterrestres, il ne faut pas toujours imaginer des petits hommes verts ou gris. Dans un film oublié des années 50, La mutinerie de l'espace, on découvre des traces de vie plus discrètes. En voulant ramener des échantillons de glace lunaire, l'équipage d'un vaisseau ramène surtout de bien vilains champignons. Des champignons lunaires qui commencent par provoquer quelques démangeaisons, hein, avant de coloniser l'ensemble de votre corps et même l'ensemble de votre vaisseau. There's a monstrous thing aboard this station. We may all be contaminated. What kind of a monstrous thing? A fungus from the moon. That's what killed Webber. We've got to stop all ships from coming here. Dans la bande dessinée, la face cachée du Z, Spirou et Fantasio font eux aussi un voyage sur la Lune. Et là, on découvre un bien triste spectacle, un parc d'attractions géant et pour millionnaires. On y trouve des machines à sous, des plages, des pistes de ski et même un manège à faible gravité. Alors si cette idée ne suffit pas à vous donner définitivement envie de rester sur notre planète, hein, qui est déjà bien équipée en parc de loisirs, je rajoute que les rayonnements solaires emprisonnés dans les roches lunaires ont la fâcheuse tendance à provoquer des mutations. Ouais, ça foutrait presque les jetons. La face cachée est d'une beauté étrange. Mais la chose la plus improbable qu'on puisse trouver sur la Lune nous est montrée dans un film tout autant improbable, Iron Sky. Bien caché sur la face du même nom, les nazis ont trouvé refuge après la guerre et préparent patiemment leur vengeance. Alors j'ai bien dit des nazis, hein. Certains les traquaient en Amérique du Sud. Erreur, il fallait penser à aller voir du bon côté de la Lune. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je suis allé sur la Lune, puis je suis revenu sur notre planète. Et les nazis arrivent pour nous éliminer. Et vous, vous tous, vous regretterez de ne pas m'avoir écouté. Au-delà de cette surenchère d'idées bizarres, toutes ces œuvres se déroulant sur la Lune ont deux points communs. Déjà une fascination pour cette fameuse face cachée. Hein. Elle joue le même rôle que l'île déserte, un endroit hors de vue, hors de toute juridiction, où tout est possible, où tous les fantasmes, toutes les peurs sont envisageables. Un endroit où la loi des hommes, comme les lois de la physique, ne s'appliquent pas forcément. Très bien, que ce soit clair, sur la Lune, les États-Unis n'ont pas l'ombre d'une quelconque activité militaire. Et les activités concernant les ressources naturelles, nous savons que vous tendez souvent à mélanger les deux. Est-ce que par hasard vous n'y chercheriez pas de l'hélium 3? De l'hélium 3, vous avez dit? Vous venez d'inventer ce mot, n'est-ce pas? Et autre point commun de toutes ces fictions, il est toujours question de l'hélium 3. Stocké en citerne ou rapatrié sur Terre, on va sur la Lune et on s'y bat pour détenir cet hélium 3. C'est aussi le moteur narratif du film Moon, sorti en 2009. On y découvre des grandes mines d'extraction entièrement automatisées, enfin presque, puisque un humain est nécessaire pour surveiller les installations. Seul dans sa station, avec des connexions bien difficiles avec la Terre depuis la face cachée, avec comme compagnie un robot vaguement intelligent artificiellement, la vie n'a rien d'enviable pour l'unique personnage du film, qui peut à peine se consoler en se disant qu'il a au moins évité l'infection fongique ou la rencontre avec de vieux nazis. En attendant, révisons. Quand avons-nous quitté la Terre ? En 1945. Et où sommes-nous allés ? Sur la face cachée de la Lune ! Parfait. Merci Jérémy Querenet et à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Jérémy sur le site du CNES dont nous sommes partenaires, cnes.fr. Et si vous allez y faire un tour, vous verrez comment la France s'inscrit aujourd'hui dans cette nouvelle course à la Lune. Alors si la fiction a imaginé des choses aussi saugrenues sur la Lune, c'est peut-être que la réalité n'est pas assez spectaculaire. Qu'est-ce qui reste à découvrir sur notre satellite Jean-François Clairvoy ? Pourquoi y retourner en quelque sorte ? D'ailleurs, quand on me pose la question sur où est-ce que j'aimerais aller si on me donnait l'occasion d'aller sur la Lune, sur la face cachée, pour essayer de comprendre ce que ça représente pour un humain de ne plus voir la Terre dans la longue durée. Parce que c'est ce qui arrivera à ceux qui iront vers Mars un jour. Mais sinon, explorer les grottes dont on parlait tout à l'heure, ça doit être bien sympa. Le fond des cratères où la lumière n'est jamais rentrée depuis des millions, voire milliards d'années, ça c'est pas mal aussi. Mais n'importe quel point de la Lune qui permet de voir la Terre, c'est déjà un très bon endroit où se poser. Ouais. Philippe Hénarejos, qu'est-ce que vous rajouteriez à cette liste des choses que l'on n'a pas encore faites sur la Lune et qui mériterait qu'on y retourne ? Alors, sur la Lune, on s'est posé en six endroits. Enfin, des hommes se sont posés en six endroits. Je crois qu'il y a deux sondes russes qui sont posées à deux autres endroits et qui ont ramené des échantillons. Et c'est tout. Et c'est grâce à ces roches qu'on a daté la Lune, qu'on a daté la Terre, qu'on a reconstitué l'histoire de la Lune, l'histoire de la Terre, donc notre histoire, et l'histoire de toutes les planètes. Mais vous comprenez bien que avoir 8 points ou 9 points où on a ramassé des cailloux, c'est comme si on avait fait ça sur Terre, vous imaginez tout ce qui reste à découvrir. C'est quand même un monde à part, la Lune. Donc, il y a beaucoup de choses à préciser dans ces scénarios qui restent pour l'instant des théories, des modèles. On peut aller y faire de l'astronomie, très certainement. On peut aussi aller y faire de la technologie. C'est-à-dire que si on veut, à un moment donné, continuer à explorer humainement, parce qu'explorer, enfin, ces deux mots, ils me paraissent intimement liés. Bien sûr, on peut envoyer des sondes qui font très bien le travail, mais explorer, c'est un humain qui se déplace. Si on veut continuer à faire ça, il va falloir augmenter notre technologie pour être capable un jour d'aller sur Mars, voire plus loin, et continuer à, comme on l'a fait depuis des milliers d'années, à aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline, explorer, puis de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté des planètes. Jean-François Clairvoy, qu'est-ce que les humains font mieux que les rovers qu'on peut envoyer sur cette machine ? Est-ce qu'ils sont plus efficaces ? Est-ce qu'ils travaillent plus vite ? Pourquoi on a intérêt à envoyer des hommes, même si c'est beaucoup plus cher ? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles envoyer des humains. D'abord, c'est que l'humain, il amène son humanité, ses émotions, son côté sensible, peut-être spirituel, philosophique. Comme disait Hubert Reeves, vous ne verrez jamais un robot s'exclamer « Oh, regarde !» Mais ils sont surtout beaucoup plus efficaces. Donc, on pourra toujours qu'avec des robots, en finale, faire la même chose que des humains, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Je vous donne un exemple. Ouais. Voilà, sur Apollo 17, l'équipage a parcouru une trentaine de kilomètres avec leur Jeep en 3 jours. Il a fallu 10 ans pour parcourir la même distance avec les rovers Spirit Opportunity sur Mars. Donc, moi, ce que j'aimerais de mon vivant, c'est avoir un début de réponse du vivant ailleurs. Est-ce que la vie a pu exister sur Mars, sous Mars ou ailleurs ? Et avec des robots, on le saura peut-être, mais dans très longtemps. Parce qu'un robot ne fait que ce pour quoi il a été programmé. Avec des humains, on va beaucoup plus vite dans les prises de décision. S'il y a la moindre anomalie, on corrige. C'est pour ça d'ailleurs qu'on envisage de piloter des robots sur Mars à partir d'astronautes en orbite de Mars, parce qu'ils seront plus efficaces que lorsqu'on envoie des commandes depuis la Terre qui nécessitent de les envoyer une par une, par compte-goutte, en leur faisant faire que quelques mètres à la fois. Alors vous venez de glisser vers Mars, mais c'est pas un hasard, parce que souvent on dit que la Lune, c'est l'antichambre de Mars, c'est l'étape, il faut en passer par là, un retour sur la Lune, avant d'envisager sérieusement de retourner sur Mars. La Lune, c'est une très bonne plateforme d'apprentissage, de répétition de ce qu'on veut faire un jour autour de Mars et sur Mars. Et d'ailleurs, ce serait bien de ne pas emmener toutes les ressources, je pense à l'oxygène, l'eau, depuis la Terre, si on peut en extraire depuis la Lune, parce que la gravité est plus faible. Alors c'est envisageable ça, Philippe Hénarejos, sur la Lune, il y a des ressources qui pourraient être utilisées pour faire de l'énergie pour la fusée. Il y a de l'oxygène, il y a de quoi faire éventuellement du carburant pour les fusées, peut-être de l'oxygène pour respirer, il y a de la glace d'eau. Donc c'est alors il faut la quantifier, il semblerait qu'il y ait quand même de bonnes ressources, et c'est intéressant parce que quand même sur Terre, elle est formidable cette planète, mais pour s'en extraire, c'est quand même compliqué. Regardez ce qu'il faut pour aller vers la Lune, il faut envoyer une fusée qui fait 3000 tonnes, et il reste rien à l'arrivée quand on revient. C'est énorme. Le puits gravitationnel que représente la Terre et plus son atmosphère, qui certes nous protège ici, mais c'est un véritable bouclier pour partir et pour revenir. Donc si on peut s'extraire de tout ça et simplement avoir des taxis qui vont envoyer les gens et un peu des de matériel, voilà, des stations-service vers la Lune, où on produirait des choses nécessaires pour aller vers Mars ou ailleurs, ce serait mieux, parce qu'en plus, quand on regarde les missions Apollo, si vous voyez le LEM, c'est un tout petit machin qui repart de la Lune. C'est plus une gigantesque fusée, donc le puits gravitationnel de la Lune est beaucoup plus facile à vaincre. Donc si on produit des choses sur la Lune, on peut les exporter ailleurs, il ne s'agit pas de les ramener sur Terre, pour aller ailleurs, qu'on fasse de l'oxygène pour du carburant ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça peut être intéressant, mais ça va demander une connaissance de la Lune bien meilleure qu'on en a aujourd'hui, parce qu'il va falloir trouver ces ressources, il va falloir trouver les moyens de les exploiter, et tout ça, ça va prendre encore beaucoup, beaucoup de temps. Alors, quel profil auront les futurs astronautes qui iront sur la Lune, et comment les milliardaires sont en train de s'inviter dans l'aventure? Nous allons en parler dans un instant. Faut que ça cesse, que tu remballes tes caresses, je préfère que tu me blesses. T'es déjà loin du rivage, en sevrage sur la plage. Chez toi j'emmène pas large. Chez toi sixième étage, je suis prise d'envie sauvage, clair-obscur caravage. Dans mes yeux c'est l'automatique arrosage. J'ai du billet filigrane avec la face de Reagan, et si tu veux je te dépanne. Moi je connais toutes tes failles, soirée paille, on pagaille, c'est pas gay, tu te fais mal. Moi con que t'as pas d'âme, mais moi je veux être ta femme, tout mon corps te réclame. Dans mon cœur c'est l'automatique arrosage. Et si tu veux on parle de nous, sauf si tu décides qu'on s'en fout. À te mentir, prétendre que je m'en fous. C'était QCC de Marie-Flore sur France Inter. Et lui, que verra-t-il de la Terre dans l'espace objectif Lune pour le milliardaire japonais Yusaku Maezawa? Il a signé pour un voyage avec Elon Musk. Et ce futur premier touriste spatial de l'histoire vient de donner sa première conférence de presse. C'est par plaisir. Et ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de m'approcher de la Lune, bien sûr. Mais pas seulement. Je veux aussi voir la Terre ronde d'en haut, dans sa totalité, directement. Rien que de l'imaginer, j'en ai presque les larmes aux yeux. Le milliardaire Yusaku Maezawa, très motivé à l'idée d'aller faire le tour de la Lune. Philippe Hénarejos, le retour sur la Lune pourrait-il être financé par des caprices de milliardaires? Je suis sceptique. Moi, j'en ai un peu les larmes aux yeux pour lui, peut-être, parce que c'est pas demain la veille. Vous vous rendez compte que c'est quand même une entreprise compliquée d'aller sur la Lune. C'est cher, c'est coûteux et c'est surtout dangereux aussi, encore. Certes, des milliardaires ou des sociétés comme celle de SpaceX, d'Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos font des choses très sérieuses. Ils arrivent ils participent, ils s'associent à la absolument. NASA. Ils sont partie prenante de cette nouvelle aventure. Ils ont des réussites techniques, c'est indéniable. Maintenant, si on regarde leurs déclarations, les calendriers ne sont jamais respectés pratiquement. Ouais. Par exemple, Elon Musk avait dit qu'avec sa capsule Dragon, deux hommes tourneraient, ou deux humains, tourneraient autour de la Lune à fin 2018. Ouais. Bon, on n'en entend plus parler, il a reporté ça. Voilà, et puis elle a des problèmes, sa capsule, qui doit simplement aller en orbite terrestre pour le compte des États-Unis. Il y a eu un problème sur un test, on parle d'un lancement avec équipage pas avant novembre, et on va voir ce que ça donne. Donc il y a la réalité de l'espace qui est toujours très dur et impitoyable. Surtout, faut pas brûler les étapes de test, sinon ça va à la catastrophe. Jean-François Clairvoy, quel regard l'astronaute professionnel que vous êtes porte sur ces lubies de milliardaires, ou est-ce que c'est sérieux? Est-ce que le tourisme spatial aura sa place dans le futur de la conquête lunaire? Le tourisme, ou le mot touriste d'ailleurs, il n'est pas très approprié, parce que ceux qui partent, ils ont quand même un sens de l'engagement qui est plus fort que le touriste classique au sens des voyages touristiques sur Terre. Mais je trouve ça sympa que des gens qui sont milliardaires, qui possèdent des dizaines de milliards, ils se posent la question, qu'est-ce que je peux faire avec mes milliards? La première idée qui leur vient en tête, c'est pas d'avoir tout en or ou la plus grande maison du monde, etc. C'est l'espace. En investissant avec un risque business, bon, ils ont quand même leur esprit entrepreneur avec l'intention de gagner de l'argent au bout du compte, au bout peut-être de 10 ans, 15 ans, mais c'est l'espace. Donc, ils créent des emplois, ils diminuent la part du contribuable pour l'exploration spatiale, ils élèvent le savoir-faire de la société et le niveau de compétitivité de l'industrie à l'échelle mondiale, puisque en Europe, on l'industrie organisée à cause de SpaceX. Donc, c'est bon pour tout le monde. Et en plus, ce sont des visionnaires qui font rêver. Et donc, j'espère qu'il y aura des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui, hein, les hommes et les femmes sont à égalité pour aller dans l'espace. Donc, qui iront en professionnel, en observateur et en voyage privé. Alors, effectivement, ils font rêver. Ils rêvent aussi un peu, hein, notamment Elon Musk. Il nous a habitués à voir grand. Il voit déjà plus loin que la Lune. Il envisage de la colonisation de Mars dans un avenir relativement proche. Nous voulons que Mars devienne une véritable possibilité. Nous voulons y arriver de notre vivant pour que vous y alliez. Pour créer une ville entièrement autonome sur Mars, il faut au moins 1 million de personnes. Mais on ne peut y aller qu'une fois tous les 2 ans. Si on envoie 100 personnes à chaque fois, il faut prévoir 10 000 voyages. Il faudra donc compter environ entre 20 et 50 rendez-vous Terre-Mars. Donc il faudra entre 40 à 100 ans pour établir une civilisation entièrement autonome sur Mars. Elon Musk en 2017 et nos deux invités, Jean-François Clairvoy et Philippe Hénarejos, se regardent en souriant. Ça paraît irréaliste ou ça vous fait rêver, vous, ce qu'il dit, Elon Musk? Bah déjà, les lois de la physique montrent que Mars ne pourra jamais retenir une atmosphère d'oxygène. Donc, vivre sur Mars, ce sera toujours en atmosphère étanche, confinée. Et le risque aujourd'hui, avec nos technologies, dans les dizaines d'années, dans ce siècle, le risque est toujours trop élevé, à mon avis, pour que des non-professionnels aillent en masse prendre de tels risques sur un voyage vers Mars. Donc, et la colonisation, ça veut dire vivre, se reproduire, avoir des écoles sur place. C'est pas la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'exploration. On ne pourra coloniser quelque chose que lorsqu'on l'aura bien compris. On est loin d'avoir compris tout ce qu'il faut savoir pour Mars. Philippe Hénarajos. Qu'on aille l'explorer avec des humains, à la place des robots, je veux bien qu'on en discute. C'est intéressant. Mais explorer, c'est partir et revenir. Mais le voyage sans retour vers un endroit aussi hostile, vous n'allez pas créer un nouveau monde, vous n'allez pas créer une Terre bis, il n'y en a qu'une, c'est la nôtre. Regardez tout autour dans le système solaire, regardez tout autour dans l'univers connu, ce n'est que hostilité. Donc il faut penser à une chose, il n'y a qu'une Terre, c'est la nôtre. Et c'est pas en s'exportant qu'on va supprimer les problèmes que nous connaissons. Si c'est les mêmes personnes qui vont créer une civilisation ailleurs, il y a des chances pour que ça soit le même bazar qu'ici. Donc on va recommencer ailleurs. Mais, philosophiquement, ça me pose un problème. En résumant, ce qu'il dit est intéressant. Mais c'est à très long terme, c'est pas dans les décennies qui viennent. Sauf que lui, il le voit dans les décennies, en tout cas il fait semblant d'y croire. Oui, il en a justifiant besoin d'y croire, que le risque d'une troisième guerre nucléaire est suffisamment grand pour qu'il y ait l'impératif de tout de suite aller coloniser Mars. On ne fera pas une sauvegarde de la Terre sur Mars, voilà. Oui, voilà, il faut oublier cette idée-là, mais il y a un tel écart entre les projections et puis ces reports à répétition de projets de vols habités. On peut finalement se poser la question, pardon de vous le demander Jean-François Clairvoy, mais est-ce que la place de l'homme est vraiment dans l'espace ? Oui, la place de l'homme est, alors pas de toute humanité, mais la place de l'homme est dans tout endroit, tout lieu où il y a quelque chose d'intéressant à apprendre. Je pense qu'une des quêtes les plus nobles dans l'histoire de l'humanité, c'est la quête de la connaissance. L'instinct de survie nous pousse à explorer pour voir où est-ce qu'il y a le danger, où est-ce qu'il y a la nourriture, où est-ce qu'il y a l'eau, au départ. Mais au fur et à mesure qu'on a élevé la conscience supérieure, comme on dit chez l'être humain, on est devenu intéressé par la connaissance qui nous rend plus sages. Plus on est connaissant, plus on est sage. Ça s'observe dans l'histoire. Et je pense que comprendre d'où l'on vient, où l'on va, comment s'est formé le système solaire, comment est apparue la vie, est-ce qu'elle existe ailleurs, ce sont des questions qui sont très légitimes et qui justifient qu'on investisse un peu. Vous savez, juste les vols habités en Europe, c'est 1 € par an, par habitant. C'est très raisonnable. On peut se le permettre, même par les temps qui courent. Un pronostic pour terminer, selon vous, le prochain homme ou la prochaine femme sur la Lune, elle sera de quelle nationalité ? Alors, ce sera plus vraisemblablement un ou une américaine, il y a égale chance que ce soit un homme ou une femme, et avant 2030, à mon avis. Donc vous voyez les Américains avant les Chinois arriver sur la Lune, Jean-François Clairvoy ? Oui, parce qu'ils ont une expérience et une avance à la fois dans leur patriotisme, dans leur capacité budgétaire, dans le lobby industriel qui est derrière, qui sont capables de le faire, pas en 2024, mais dans la décennie qui vient. Mais ça va être difficile quand même. Philippe Hénarajos. Ça sera d'autant plus un ou une Américaine, un Américain ou une Américaine, que les Chinois progresseront. C'est ça. C'est étonnant. Le moteur des États-Unis va se trouver en Chine, voilà, dans la concurrence. Et les États-Unis, effectivement, est un pays qui est capable de mobiliser très très vite beaucoup de ressources. En plus, ils ont une expérience lunaire. Donc, c'est tout à fait possible. Mais là, on commente le futur et c'est difficile. C'est juste. Le sentiment de ce que l'on imagine le plus probable. Mais effectivement, personne ne peut prédire l'avenir. Et comme disait Saint-Exupéry, il s'agit seulement de le rendre possible déjà. Merci Jean-François Clairvoy et Philippe Hénarajos. Je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs. Philippe Hénarajos, Ils ont marché sur la Lune, le récit des explorations Apollo chez Belin. Et puis le numéro spécial hors série Ciel et Espace, des hommes sur la Lune. Et pour vous Jean-François Clairvoy, Histoire de la conquête spatiale aux éditions De Buch. Un grand merci à tous les deux. Alors à propos, je vous félicite pour l'excellent travail que vous avez fait et la manière dont vous avez conduit l'affaire. Bon, pour nous, c'était très simple. Ça fait partie de nos responsabilités. Le chef étoilé Thierry Marx nous rejoindra après le flash dans quelques minutes. Nous allons évoquer avec lui les voyages et les pays qui l'ont marqué, et plus particulièrement le Japon, pays auquel il voue une véritable passion. Nous verrons comment la culture et la philosophie japonaise influencent sa cuisine. À tout de suite.